Les personnalités étrangères exaltent haut le président Kim Il-sung. Le secrétaire général de l'Institut international des idées du Tché a dit qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité de grand homme de politique qui puisse égaler le président Kim Il-sung, car il a conduit pendant longtemps à la victoire l'édification du parti et de l'État pour assurer le solide gage politique de la victoire de la cause d'émancipation. Le représentant de l'Institut des affaires de la Corée contemporaine Daehime du Japon a dit qu'il y a beaucoup de penseurs et dirigeants dans l'histoire, mais le président Kim Il-sung est l'unique grand homme qui ait créé les grandes et meilleures idées dans l'histoire de l'humanité. Le coordinateur de l'Organisation des communistes de l'Italie et le représentant de la filiale belge de l'Association d'amitié avec la Corée ont souligné que les espoirs immortels du président Kim Il-sung, qui a travaillé énergiquement jusqu'au dernier moment de sa vie pour faire don de la patrie réunifiée au peuple coréen, resteront toujours dans le cœur de l'humanité.